Quand Dieu entreprend quelque chose de grand, il se plaît à utiliser les matériaux les plus variés, les instruments les plus inattendus, parfois les hommes les plus méconnus. L'Église universelle de Jésus-Christ à travers les âges a rassemblé et rassemble encore des millions de chrétiens anonymes, des témoins fidèles dont l'histoire ne retient pas les noms, mais qui sont efficaces pour la cause du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul l'a bien dit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 et 27. Les collaborateurs de l'apôtre Paul répondent à ce critère. Aucun d'eux n'était un grand sage ou un puissant de ce monde, mais ils étaient tous appelés de Dieu, utiles à son service et efficaces dans des ministères très divers, car jamais l'apôtre n'aurait pu évangéliser tant de contrées différentes, entreprendre tant de voyages, fonder tant d'églises et instruire des multitudes de croyants par ses discours et par ses épîtres, sans le concours précieux de ses nombreuses aides. Si le Nouveau Testament les nomme à diverses reprises « compagnons d'œuvre », c'est bien pour souligner la mission particulière de ces hommes et ces femmes, compagnons de voyage et de service pour l'apôtre. Ils étaient ouvriers avec lui dans le travail du Seigneur et collaborateurs fidèles jusque dans les situations les plus dramatiques. Le Nouveau Testament mentionne près de 60 compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Pour certains d'entre eux, nous ne savons rien, mis à part leur nom et peut-être le lieu où ils exerçaient leur activité. Pour d'autres, une seule petite phrase biblique a suffi pour qu'ils sortent de l'ombre et nous touchent par leur exemple. Enfin, il est des compagnons d'œuvre de Paul auxquels le livre des Actes des Apôtres et les Épîtres se réfèrent à diverses reprises, ce qui nous permet de suivre un peu leur carrière. Nul doute que cette recherche biblique vous passionnera, puisque le Saint-Esprit révèle, à travers ces hommes souvent méconnus du premier siècle, des modèles pour chacune de nos vies aujourd'hui. Que personne en effet ne pense qu'il n'est pas directement concerné par l'exemple des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Si nous sommes membres de l'Église militante et universelle de Jésus-Christ, nous sommes tous, chacun pour sa part, un compagnon d'œuvre, car nous sommes tous appelés à participer directement ou indirectement à la propagation de l'Évangile. Il en est peut-être parmi vous, chers auditeurs, qui n'irez jamais au loin sur terre missionnaire, ne monterez jamais en chair ni sur une estrade. Votre visage n'apparaîtra peut-être jamais à la télé, et c'est possible que votre nom n'apparaîtra dans le journal local qu'au jour de votre décès. Mais le Seigneur enregistre dans ses annales célestes le nom de tous ses disciples, ainsi que leurs actes de fidélité qu'aucun journal terrestre ne publiera jamais, mais qui sont d'une grande valeur pour lui. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Si en cet instant nous pouvons nous adresser à vous sur les ondes, c'est parce que de nombreux pionniers de l'évangélisation par la radio nous ont précédés dans ce ministère, techniciens, secrétaires, orateurs, responsables du courrier, donateurs, intercesseurs, nous sommes tous ensemble compagnons d'une grande œuvre, unis dans un objectif commun, le salut des âmes et l'affermissement des croyants, et nous sommes ensemble persuadés que le Seigneur continuera de bénir et d'approuver nos efforts. Le premier compagnon d'œuvre de Paul que nous vous présentons se nomme Barnabas, pas Barabbas le brigand, mais Barnabas le disciple. Cet homme a donné le meilleur de lui-même, il est entré dans l'histoire biblique avant l'apôtre Paul, peu de temps après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples. Nous lisons à son sujet. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, versets 36 et 37. À l'époque, les chrétiens mettaient tous leurs biens en commun. Le geste de Barnabas, fils d'exhortation, ou si vous préférez fils de consolation, qui met tout ce qu'il a à disposition des apôtres, doit nous faire réfléchir. Ce geste prouve que Barnabas aime tant son Seigneur qu'il lui donne tout. Mais si l'argent du champ était fort utile à l'église naissante de Jérusalem, Barnabas va bientôt rendre à cette église un service encore plus grand. À cette époque, Le futur apôtre Paul est connu à Jérusalem sous le nom de Saul de Tarse. C'est un violent adversaire de l'Église du Seigneur. Et, soudain, Jésus-Christ l'arrête de manière foudroyante alors qu'il se rend à Damas pour y faire incarcérer les chrétiens. Ce jour-là, le plus grand ennemi de la cause de l'Évangile est transformé pour devenir son plus grand avocat. Déjà à Damas, Saul de Tarse prêche Jésus-Christ, et lorsqu'il se rend à Jérusalem, les chrétiens se méfient de lui. Paul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Acte 9, verset 26. C'est alors qu'intervient Barnabas, le fils d'exhortation, pour l'introduire auprès des apôtres. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Acte 9, verset 27. Quelques années s'écoulent. Après un temps passé en Arabie, Paul de Tarse s'en retourne dans sa ville natale en Cilicie, dans la partie sud de la Turquie actuelle. C'est l'époque où une église vivante se développe à Antioche, une ville située à l'extrémité orientale de la Méditerranée, aujourd'hui en territoire turc, mais tout près de la frontière syrienne. De Jérusalem, les apôtres éprouvent le besoin d'envoyer l'un d'entre eux pour encourager les chrétiens d'Antioche. Qui serait mieux qualifié que Barnabas, le fils d'exhortation ? Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester attachés d'un cœur ferme dans le Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Acte 11, versets 22 à 24. Or, cette foule nombreuse, soudain entrée dans l'Église, a besoin de conducteurs spirituels et surtout d'un enseignant capable de l'instruire dans la saine doctrine. Barnabas ne peut suffire à la tâche. Il renouvelle alors le geste qu'il avait accompli précédemment à Jérusalem. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se rendirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, versets 25 et 26. Les disciples d'Antioche ressemblaient tellement à Christ qu'on les a surnommés chrétiens. Et dans cette église, Dieu était en train de préparer la première offensive missionnaire du christianisme. Nous lisons Acte 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Mais qui étaient-ils donc ces prophètes et ces docteurs d'Antioche qui, après avoir jeûné et prié, ont compris que le Seigneur avait désigné Saul et Barnabas pour devenir les premiers missionnaires de l'Église ? Parmi eux se trouvait un certain Siméon, appelé Niger, ou le Noir, donc un homme de couleur, vraisemblablement un Africain. Puis Lucius de Cyrène, présenté dans l'Épître aux Romains comme un homme d'expérience, parvenu à la foi avant l'apôtre Paul, et Manaëm, élevé à la cour d'Hérode le Tétrarque. C'était bien le pire endroit pour être préparé à la vie chrétienne, puisque ce terrible roi avait en son temps fait assassiner Jean-Baptiste et participé à la condamnation de Jésus-Christ. Et Dieu s'est servi d'hommes si profondément différents les uns des autres pour donner à Barnabas et Saul la main d'association lors de leur premier départ missionnaire. Barnabas avait donné le meilleur de lui-même, et bien des conducteurs spirituels d'Antioche ont suivi son exemple. Ils ont obéi à l'appel du Saint-Esprit en donnant les meilleurs d'entre eux pour le service missionnaire. Et cet acte de consécration a permis ensuite le salut de multitudes d'âmes. Ainsi Barnabas, le premier compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, a laissé derrière lui des traces lumineuses que nous sommes appelés à suivre, soit en partant à notre tour sur terre missionnaire, soit en permettant à d'autres de s'y rendre. Ce que le Seigneur demande de nous aujourd'hui, c'est qu'à notre tour, nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Chers amis chrétiens, le Seigneur a besoin de votre énergie, peut-être de votre jeunesse, en tout cas de votre vie entière, de vos prières, peut-être aussi de vos dons. Mais avant tout, il désire l'adhésion de votre cœur.